Chapitre 3e. L'abbé envoya plusieurs lettres à Paris pendant le mois qui suivit. Il en reçut plusieurs, mais il ne dit rien à Mademoiselle Françoise de ce qui se passait. Dédaignant de solliciter les confidences, elle affectait de ne plus s'occuper que des soins du ménage. Elle abdiquait, décidée à le renvoyer à la Margotte, dans le cas où il demanderait encore un avis. Aussi bien, sans prétendre au rôle de prophète, elle prévoyait que tout cela finirait mal, et elle se consolait d'être tenue à l'écart par la certitude qu'elle avait d'échapper ainsi à de lourdes responsabilités. Il paraissait de son côté peu soucieux d'explications. Il était continuellement distrait, nerveux, comme peut l'être un homme dont la vie se joue au loin, sur une carte. La peine qu'il prenait pour cacher ses agitations était pour elle un aveu tacite de dessein coupable. Mais qu'attendait-il? Un soir, enfin, sans préparation, il lui annonça qu'il irait passer à Paris la journée du lendemain. L'étonnement eut raison des résolutions qu'elle avait prises. « Qui vas-tu faire ? Je dois causer avec M. René Marin. » Il y avait dans le ton de la réponse un je ne sais quoi de décidé et d'agressif qui la piqua. « Il ne pouvait donc venir ici, ce monsieur, comme il l'a déjà fait ? Vrai, te voilà bien changé, toi qui te faisais un épouvantail autrefois de la plus courte absence. » Il se fâcha, riposta non sans aigreur qu'il était seul juge de ses devoirs et qu'il entendait disposer de son temps à son gré. Elle répliqua. Des paroles désagréables furent échangées, la paix ne se conclut que le lendemain, à l'heure où il s'embarqua. Un second voyage l'attendait à son arrivée à Paris. René Marin habitait un des coins perdus de la grande ville, perché au sommet d'une haute maison, caravansérail d'artiste besogneux. Fatigué, dérouté, l'abbé se sentit envahi par une émotion indéfinissable, en gravissant les marches de l'escalier noir, sans fin, plus raide que l'échelle de Jacob, sur lequel s'ouvraient des portes qui laissaient échapper des rires et des chansons, où des femmes passaient, le frôlaient, avec des regards hardis et moqueurs, qui le forçaient de baisser les yeux. Il eut la tentation de fuir, mais ce ne fut qu'une faiblesse passagère. Judith, en se frayant un chemin à travers l'orgie jusqu'à la tente d'Holoferne, en avait vu bien d'autres, et puis il touchait au port. Dans la chambre claire de René Marin, en face des toits piqués de hautes cheminées, qui découvrait en l'encadrant un pan du ciel bleu, il reprit du calme. Ses chers cahiers étaient là, lui souriant comme de vieux amis, lui parlant du village, du travail qui avait si longtemps occupé sa vie, de l'espoir qui l'amenait. On aborda tout de suite les affaires sérieuses. La Judith avait été lue par des artistes, maîtres en matière musicale, dont l'opinion faisait autorité. Tous étaient accordés à lui reconnaître des qualités de premier ordre, à lui prédire un succès éclatant. Encore fallait-il trouver le moyen de le présenter au public. Ici commençait le chapitre des difficultés. On ne pouvait raisonnablement songer à l'imposer à l'une ou à l'autre des entreprises de concerts établies, encombrées par le répertoire classique, par les ouvrages des compositeurs arrivés, à peine entr'ouvertes aux débutants les plus puissamment recommandés. Prendre à tâche d'attirer l'attention des musiciens qui les dirigent sur l'œuvre d'un inconnu, pire encore d'un auteur qui voulait n'être pas connu, c'était poursuivre une chimère. C'était en tout cas faire le sacrifice de plusieurs années de patience et d'efforts. Ah, si l'abbé eût consenti à livrer son nom et sa qualité, peut-être l'originalité de la chose eût-elle fait quelque bruit. Mais sur ce point, il se montrait intraitable. Cette exploitation lui faisait l'effet d'un sacrilège, le remplissait d'épouvante. Une seule voie restait ouverte, celle qui ne s'ouvre que devant la fortune, celle dont la Margotte, qui malgré son ignorance, savait bien les choses de ce monde spécial, lui avait soufflé l'idée, celle qu'il était d'avance résolu à suivre. Il ne prit même pas la peine d'étudier le devis préparé sur une grande feuille de papier. Il jeta les yeux sur le total, qui était assez effrayant. Encore n'était-ce que des prévisions. « C'est entendu, je paierai ce qu'il faudra. » « Ne vous engagez pas à la légère. » La dépense sera énorme. Songez qu'il faudra louer une salle, recruter des chœurs, un orchestre, des solistes, s'assurer une large publicité, veiller à 1000 détails coûteux. Je puis payer sans compter, je suis riche. Vous trouverez chez mon notaire tout l'argent qu'il faudra. Je ne veux entendre parler de rien. René Marin se réservait naturellement le soin d'organiser l'exécution et l'honneur de la conduire. Il était aisé de réunir des choristes et des instrumentistes expérimentés, de trouver dans le personnel des théâtres lyriques un baryton pour tenir la partie d'Holoferne, des chanteurs de second rang pour remplir les petits rôles. Le choix de la Judith, sur laquelle pesait tout le poids de la partition, offrait plus de difficultés. Mais René Marin proposa tout de suite Alicia Cavalier, dont il vanta le talent avec un enthousiasme ardent. L'abbé lisait des journaux de musique qui lui avaient fait connaître ce nom cité partout comme appartenant à une artiste de race et de grande école. Il opina du bonnet. Alors René Marin lui confia que, sûr d'avance de son adhésion, il avait déjà fait lire le rôle à Alice Cavalier, qu'elle en avait à la première lecture tiré d'admirables effets. « Venez, et vous jugerez vous-même. Je lui annonçais votre visite. Elle nous attend. »« Moi, chez elle, vous n'y pensez pas. » La terreur de l'abbé amena un sourire sous les lèvres du jeune homme. « Soyez sans crainte, Alice Cavalier n'est pas ce que vous pensez. »« Je ne puis, vous dis-je. Bon, laissez-moi vous raconter son histoire. » Il la dit longuement, cette histoire, avec une solennité où il y avait de l'émotion. Elle était intéressante, en somme, dans sa simplicité. Elle ressemblait bien peu aux récits égrillards de la Margotte. Mais la Margotte avait été une fille folle, et dans les coulisses même, à côté de l'ivraie, peut pousser le bon grain. Alice Cavalier n'avait fait à l'opéra qu'un court séjour. Elle l'avait quitté peu après ses débuts, qui avaient été brillants, pour faire un mariage honorable, y laissant une réputation qu'aucune médisance n'avait ternie. Son mari était mort dans les premières années d'une union heureuse, sans être parvenu à reconstituer une petite fortune que des spéculations maladroites avaient entièrement dévorée. Elle s'était trouvée seule, dans un état voisin de la gêne, avec deux enfants. Elle eût pu, en reprenant la carrière théâtrale, conquérir une situation brillante. Elle avait préféré le dur travail des leçons, qui lui assurait le respect et lui permettait de conserver à ses fils un nom honoré, livré seulement aux affiches graves et peu compromettantes des concerts. L'abbé avait écouté avec un peu de surprise, mais avec un contentement visible. « Partons, » dit-il avec la résolution d'un conscrit courant au feu. Ils firent à pied une longue route par d'interminables rues où se pressait une foule dont le contact l'étourdissait, l'enfiévrait. La maison où ils entrèrent avait le même aspect que celle qu'ils venaient de quitter, mais avec un air de tenue bourgeoise plus rassurant. Et pourtant, en gravissant l'escalier, raide et noir comme l'autre, il sentit de nouveau son courage s'évanouir. Une crainte toute nouvelle s'éveillait lentement. N'allait-il pas paraître ridicule aux yeux de cette Parisienne, avec ses façons villageoises, son ignorance des beaux usages? Vanité des vanités! Il jeta un regard honteux et défiant sur ses gros souliers, sur les plis de sa soutane défraîchie, grossièrement coupée par un tailleur campagnard. Son compagnon avait sonné à une porte. Des voix d'enfants avaient répondu, joyeuses et claires, des profondeurs de l'appartement, à l'appel du timbre. Il pivota sur les talons pour fuir. Une main vigoureuse l'arrêta par le bras, l'entraîna. Le Rubicon était franchi. Le charme d'un accueil souriant et simple, la séduction de quelques flatteries adroites, le rassurèrent vite. Il n'y avait là véritablement rien d'effrayant. De quoi donc avait-il peur? Le piano était ouvert. Deux ou trois des cahiers bleus avaient été apportés. On les plaça sur le pupitre. Alice Cavalier chanta en s'accompagnant des deux grands airs de Judith. La voix était pleine et chaude. L'interprétation magistrale leur donnait un coloris vigoureux. Il écoutait, ravi, empoigné par une émotion profonde, jetant par-ci par-là une exclamation admirative. Il s'était peu à peu approché, une fascination lente l'attirait. Elle venait d'achever la prière de Judith attendant Holofernes sous la tente et demandant au Seigneur de soutenir son courage. Elle passa aux premières phrases du duo. Il était malheureusement impossible de continuer sans Holofernes. « Venez donc à mon aide, je vous prie, monsieur l'abbé. » Sans trop se rendre compte de ce qu'il faisait, il fredonna quelques mesures. « C'est parfait. Savez-vous que vous avez un excellent organe? Oh, continuons, de grâce !» Il se défendait. Elle insista avec une irrésistible câlinerie. « Vous ne voulez donc pas me faire plaisir? Faut-il que je vous implore à genoux ?» Il obéit. Ils lurent sans s'arrêter une dizaine de pages, s'excitant, cherchant l'expression, y mettant toute leur âme. Il s'était penché pour suivre les indications de la partition. Sa poitrine frôlait les tresses blondes de la cantatrice. Leurs mains se joignaient sur le clavier où, du doigt, ils soutenaient l'accompagnement de notes piquées çà et là. Tout à coup, au milieu d'une phrase, il se tut, se jeta en arrière. « Qu'y a-t-il ? » lui demanda-t-elle curieusement. Il ne répondit pas d'abord. Une rougeur brûlante lui avait subitement empourpré les joues. « Achemons, » dit-elle. « Non, je ne puis. » « Vous êtes fatigué, indisposé, un peu de fatigue. » Un double embarras le faisait balbutier. Il avait honte de son émoi, qu'il ne parvenait pas à dompter. Il s'effrayait des côtés plaisants de la situation. Quelle étrange méprise s'était donc faite en son esprit? Elle n'était pas Judith, il n'était pas Holoferne. Toutes les ardeurs de leur duo n'étaient que fiction et mensonge. Comment avait-il cédé à la dangereuse illusion dont la découverte le remplissait encore de terreur? Elle se leva, s'éloigna. Elle avait sans doute, avec le tact si délicat des femmes, compris ce qui se passait. René Marin, moins perspicace, s'étonnait de cette interruption brusque, insistait pour que le morceau fût mené jusqu'au bout. Elle le fit taire. L'abbé, calmé par un énergique effort de volonté, maître de lui, sentant la nécessité d'une diversion, engagea lui-même une causerie banale à laquelle, au bout d'un certain temps, il cessa de prendre part. Ils étaient, eux, tout à la joie du succès qui leur était promis. Il restait, lui, distrait, mécontent. La beauté de cette femme, à qui il s'était surpris adressant d'ardentes paroles d'amour, attirait invinciblement ses regards. Était-elle réellement belle? Hélas, il n'était pas grand clair en matière féminine. Peut-être la voyait-il encore avec les yeux d'Holoferne. Peut-être aussi les élégances, toutes nouvelles pour lui, d'une parisienne et d'une artiste, égarait-elle son jugement? Il la contemplait avidement, avec un reste d'effroi qui n'était pas sans douceur. La journée touchait à sa fin. L'heure du départ n'était déjà plus éloignée. Il prit congé au moment le plus inattendu, avec une brusquerie qui donnait à son départ l'air d'une fuite, sans permettre qu'on l'accompagnât. Quand il se retrouva seul sur l'asphalte, il fit une halte, accorda quelques minutes d'attention à la cohue qui s'agitait bruyante autour de lui, poussa un gros soupir, soulagement ou regret, et s'en alla d'un pas rapide.